Radio Arc-en-Ciel, bientôt 17h, en direct sur le 96 FM. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et ouais, le meilleur des souvenirs avec Barry White, Your First, Hollis, My Everything. Oui, je sais en anglais, j'étais pas terrible, mais déjà 17 ans et ça passe. Et notre invité du jour qui est arrivé à la radio, on l'accueille tout de suite, c'est Carole Canet. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Alors je suis heureux de vous accueillir, Madame le maire, Carole Canet, dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. C'est la première, je crois. Oui, c'est une première, mais ça... voilà, je suis ravie également et j'apprécie votre accent. Et voilà, un bel accent anglais, vous avez vu, j'étais nul en anglais à l'école, hein, j'avais pas une super moyenne. En tout cas, on est heureux de vous retrouver dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Félicitations pour cette nouvelle fonction pour merci. Vous. Ouais, alors aujourd'hui, ça démarre malheureusement avec le Covid, c'était un peu compliqué, on va dire, hein, et c'est toujours compliqué. Quelle a été votre première réaction quand vous avez été élu maire? Vous l'avez pris comment? Avec joie, je suppose, bien sûr. Oui, bah évidemment, oui, ça nous tombe pas dessus par hasard. On le cherche un peu quand on devient maire, quand même. Donc, ça ne tombe pas dessus par hasard. Maintenant, on sait que c'est dans des circonstances qui sont un peu, alors vous disiez compliquées, en tout cas exigeantes. Exigeantes, ouais, c'est ça. Exigeantes. Ouais. Après, rien n'est compliqué, il suffit de s'y mettre. Et on n'est pas tout seul, on a une équipe. Bien sûr, on va en parler de votre équipe. Alors, vos premières priorités quand vous êtes arrivé dans le bureau, vous avez pris possession des bureaux, ça a été quoi votre première priorité? Les priorités, c'est celles qu'on affichait pendant la bien campagne sûr. Électorale, c'est les promesses à tenir. Donc, nous, on avait une liste qui s'appelait Réveiller Fleury. Mmh. Il s'agit de redynamiser un petit peu cette ville avec des priorités politiques qui sont le développement durable. Mmh. Voilà, on est un moment de la vie ou de l'histoire qui mérite qu'on fasse attention à notre planète, et pas seulement à la planète pour la planète, mais bien pas sûr. Seulement aux arbres pour les arbres, mais pour les gens. Pour nos enfants et pour qu'on puisse continuer à vivre bien sur cette terre et dans nos villes. Voilà, donc évidemment la question du développement durable et la question de la justice sociale et du bien vivre au quotidien. Ça c'est important. C'est essentiel. Être proche des habitants, moi je pense qu'une commune, le premier de ses devoirs, c'est d'offrir un cadre de vie, un environnement et des services qui font que les habitants vivent bien. Soit heureux d'être. On sent que les habitants ont envie qu'on soit proche d'eux, qu'on les écoute, qu'on soit vraiment à leur côté. C'est ce qu'ils ont envie. De plus en plus, j'ai un pressentiment. Oui, beaucoup de communes. C'est normal. On est dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Donc, ils ont besoin d'avoir cette proximité et d'avoir prise aussi sur les décisions qui sont prises. Qui ne doivent pas être prises pour eux, mais avec eux. Donc, oui, c'est logique. Donc ça, c'est un axe aussi qu'on va développer, ce qu'on appelle la démocratie participative. On va notamment lancer des budgets participatifs pour que certains projets puissent être... Alors, j'entendais pendant la campagne, parfois on me disait budget participatif, est-ce que ça signifie que c'est les habitants qui payent? Non, c'est pas ça. on s'inquiète pas. C'est dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que c'est des habitants qui peuvent formaliser des projets. Alors, ça signifie pas je formalise un projet et puis du coup il est parce que tel habitant l'a décidé, il est fait. Non, c'est aussi l'apprentissage de la démocratie. C'est-à-dire qu'on fait une proposition, elle est soumise à l'ensemble de la population. La population choisit entre ses projets et derrière, ils sont mis en œuvre avec les budgets de la ville et avec l'aide des services de la ville. Et une belle équipe qui s'est formée autour de vous. Alors, oui, aujourd'hui, ça, c'était un des grands plaisirs. Une superbe équipe. Hein. Et alors, comment aujourd'hui on compose cette équipe? Comment on l'a choisie? Comment vous la choisissez? Elle s'est d'abord appuyée sur du travail en commun qui s'est fait quand on était dans l'opposition entre les élus d'opposition et les différentes composantes de la gauche, parce que c'était ça aussi mon plaisir, c'est que la gauche revenait à Fleury-les-Aubrais après 25 années d'absence, en tout cas dans la majorité. On était présents sur le terrain, mais on n'était pas aux manettes, et on a appris à travailler ensemble. Quand je dis la gauche, j'y inclus évidemment les écologistes, parce bien que sûr. Je pense que l'écologie doit être de gauche, donc Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste. Moi je suis socialiste, je me cache pas, je sais que c'est pas très à la mode d'avancer ces étiquettes, mais je n'ai pas peur de dire qui je suis, et ce qui n'empêche pas de se dépasser. On n'est pas dans quelque chose qui est sectaire, on a nos convictions, on est capable de les tricoter ensemble, les différentes composantes, et de faire avec les habitants, parce que sur la liste, et dans l'équipe, et dans les adjoints, on a aussi nombre de personnes qui ne sont pas inscrites dans un parti, mais qui partagent notre vision du monde et notre vision de ce que doit être l'action municipale. Y a-t-il une urgence à Fleury-les-Aubrais? Ah ben alors il y a plus que il y a plus qu'une urgence parce que nous dans notre programme, une de nos propositions phares, c'était justement la mise en place d'un plan d'urgence pour la ville. C'est pas rien. Parce que c'était chiffré, 1 million d'euros. Ah oui, pour, oui, beau budget. Beau budget, qui se décline à la fois sur l'investissement, sur du fonctionnement, et puis sur la mobilisation, des redéploiements. Mais 1 million d'euros pour remettre pour s'occuper de dossiers ou de petits problèmes qui jusque-là n'avaient pas été traités. N'est pas abouti, peut-être. Et pour lesquels les solutions sont, j'allais dire, à portée de main. Il y a des choses qui vont demander une action. Un problème égale une solution, alors. Mais en tout cas, il y a des problèmes pour lesquels il y a des solutions. Je vais prendre un ou deux exemples. Ouais. Eh ben, il y en a un d'ailleurs, c'est lancé, hein, parce que c'est parti. On a des services publics qui se sont réduits. Mmh. Et notamment, on a une piscine. Une belle piscine de Jacobin. Oui, et qui était fermée le week-end. Et qui est ouverte. Pour les Florissois, c'est embêtant quand même. C'est vrai. Donc ça y est, elle est rouverte le samedi après-midi. Et alors le matin, c'est le club. Et on lance une enquête. Pour le dimanche. Pour le dimanche. Voilà, j'ai lu, voilà. J'ai tout lu. Oui, je suis déjà au courant. Voilà. On sait tous qu'on manque cruellement de salles et qu'on a une salle. Alors, ça prend du temps de construire une salle, on va pas le faire tout de suite. Mais on a une petite urgence qui est facile à régler, c'est qu'une de nos principales salles, la salle François Villon, je sais pas si vous la connaissez. Je la connais, où on fait les dons du sang François Villon, régulièrement. Voilà. Alors, la dernière fois, ils ont été faits à la passerelle. Ouais. Et souvent, c'était à François Villon. Voilà. Et cette salle, elle est un peu tristoune quand même. Et depuis longtemps, on dit, voilà, il y a de la vieille moquette au mur. On va remettre des belles peintures. Il y a des vitres qui sont cassées. Bah, je dis pas qu'on va mettre des millions et des millions. Non, mais un peu de peinture, un peu de déco. Un petit peu, un coup de frais. Voilà, du frais, un petit coup de frais. Ça ferait du bien. La moquette, c'est pas bon pour les acariens. Ben non. On va le faire. On est en train de recenser les menus travaux urgents qu'il faut faire dans les écoles. Alors, je dis pas des grosses restructurations, mais il y a des petites choses qui traînaient. On est en train de regarder. On avait promis la réouverture de l'accueil de la mairie le samedi matin. Ça y est, c'est fait. Non. Ça a été fait à un moment, non? Je crois qu'il y a eu une ouverture. Pardon, oui, je vous dis des bêtises. Un samedi par mois. Voilà. Une information. Mais voyez, à mon sens, là-dessus. Ça suffit pas parce que ne serait-ce que des parents qui sont en garde alternée, qui ont besoin de faire des papiers pour les enfants. Mmh. Si on a une garde alternée, on les a qu'un week-end sur deux. Il suffit que ça tombe pas le bon. Donc le samedi matin, ça me semble logique qu'on soit. C'est ça. Alors ça suppose de travailler aussi avec le personnel et puis il y a des phases obligatoires de passage en comité technique et tout ça. Il faut respecter la loi, mais c'est en travail, ça va se faire rapidement. Et puis sur la question du cadre de vie, on va agir fortement sur les déchets. Les déchets. Les dépôts sauvages d'ordures dans les rues. On en voit de plus en plus, j'ai un ressentiment. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Est-ce que c'est vraiment des Fleury-sois? Il y a les deux. Il y a un peu de tout. Il y a les deux. Il y a à la fois des gens de l'extérieur qui viennent déposer comme ça. Alors, ils voient un tas d'ordures, ils en posent d'autres, etc. Oui. Alors, moi, j'ai vu quelques maires dans d'autres villes qui faisaient des enquêtes carrément. Ils ouvraient les sacs. Et bien, on va le faire. Et ils regardaient un peu s'il n'y avait pas des adresses ou des lettres. Vous allez le faire. Ben voilà, une bonne idée. On va le faire. On remet ça au propriétaire. Et on va remettre ça au propriétaire. On va faire en sorte de pouvoir non seulement verbaliser, dresser un PV, et puis facturer les frais d'enlèvement. Oui, parce donc que je un pense coup. Que quand on aura fait ça quelques fois, les gens vont s'arrêter, les quelques-uns qui font ça et qui pourrissent le quotidien Parce que je suis sûr que c'est souvent les mêmes. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Je ne sais pas, mais en tout c'est cas, on va prendre. Alors, on va commencer par une campagne de communication parce que pour prévenir. Je suis pas pour. Il s'agit pas de punir. On va prévenir qu'il faut que ça s'arrête et que ça va s'arrêter. Et puis si ça persiste, on va sanctionner et communiquer aussi sur les la prévention les tout d'abord. La prévention, c'est important. Oui, et on va déployer l'ensemble des moyens qui sont nécessaires. Mmh. Une rentrée scolaire qui a eu lieu il y a quelques jours, ça n'a pas été facile pour tout le monde, notamment pour les enfants, puis les parents aussi, qui étaient un peu stressés avec les masques, avec les distanciations, avec le gel, etc. Ça s'est passé comment, alors j'ai vu à Fleury-les-Aubrais que les élus vous-même étiez sur beaucoup beaucoup d'écoles et sur toutes les écoles. C'est vrai qu'on est une équipe équipes qui arrivent, donc il y a des parents qui nous disent mais on vous a pas forcément vu, parce qu'ils nous ont pas forcément repérés, on n'y était pas avec nos écharpes. Hein, oui, on a parlé avec le bleu, blanc, rouge devant l'école. Mais oui. Devant toutes les écoles, et on faisait le lien avec les référents périscolaires, et les directeurs étaient prévenus, et directrices étaient prévenues que nous étions là, et on a échangé avec eux. Il y avait des élus de la majorité et des adjoints à chaque école. De manière à pouvoir regarder comment ça se passe, voir les remontées, et puis pouvoir rassurer les parents quand c'était nécessaire. C'est vrai qu'on fait cette rentrée dans un contexte Covid, comme on dit, ouais. qui est un peu particulier, qui peut générer des inquiétudes. Mais est-ce que ça a été plus dur pour les enfants, vous avez ressenti quoi, pour les enfants, pour les parents, ou alors J'ai trouvé que c'était assez serein. Assez serein, oui, d'accord. J'ai trouvé que c'était, je m'attendais à plus de difficultés que ça. Je pense que l'inquiétude, en revanche, là, elle va commencer à venir parce qu'il va y avoir des cas. Il y a eu des cas, ouais, des écoles fermées, bien malheureusement. Ouais. Orléans, il y en a eu quelques-unes déjà. À Fleury, on avait des cas en décembre de loisirs. Ouais. Donc, toutes les précautions ont été prises. Les enfants sont en train d'être testés. Donc, on a quelques enfants qui, là, ne sont pas à l'école. Il est possible qu'on ait là encore un autre cas. Alors, c'est l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie qui sont à la manœuvre. Hein. Nous, on ne fait que relayer les informations, mais ça n'est pas nous qui prenons les décisions de dépister, de mettre en quatorzaine. Bien sûr, c'est au-dessus. Essaie d'être, et moi ça j'y tiens, d'être au maximum auprès des parents pour transmettre l'information de manière à ce qu'ils puissent s'y repérer le plus facilement possible. Je pense que c'est vraiment notre place que d'être aux côtés des parents dans cette... Aux côtés des parents, puis des enfants, peut-être leur expliquer aussi. Aux plus petits, leur expliquer pourquoi il faut mettre des masques, pourquoi, parce qu'il y en a peut-être qui ne comprennent pas tout ça. Oui, alors en dessous de 11 ans, il n'y a pas de masque. Oui, bien sûr. Mais après, quand on... Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai une petite qui a 6 ans et qui, là, est en quatorzaine. Et donc, à qui il a fallu dire, au bout d'une semaine d'école, ben non, là, tu ne retournes pas. Mm-hmm. Et que ça a replongé un peu dans l'ambiance de... dans l'ambiance du confinement. Du confinement, ouais. Et moi, je tiens à attirer l'attention des parents, enfin, de tous les adultes. On n'a peut-être pas bien mesuré l'effet du confinement sur les enfants, parce que ça s'est fait d'un seul coup. Les enfants, c'était un peu un jeu pour eux, entre guillemets. Oui, on est bien à la maison. Il y a eu un côté extraordinaire. Il y a eu les parents. Bon, après, dans le temps, quand on a les deux parents qui sont en télétravail, qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de vous, puis il faut s'occuper. Et puis il y a l'école à la maison, à un moment où on préfère quand même voir les copains et les copines. Bon. Et la vie a repris, ils sont retournés dans les centres de loisirs, c'était les vacances. Ils étaient très contents de retourner à l'école, de faire la rentrée. De retrouver les copains, de les retrouver copines. les copains. Et là, on leur dit, bon, c'est juste pour une semaine, mais je pense que dans leur tête, c'est plus que ça. Ça remet dans toute cette ambiance du confinement. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif vraiment à ça et surveiller ce que ça produit chez les enfants. Alors, non seulement enfant par enfant, mais collectivement, il y a peut-être des dispositifs à penser. J'alerte les pouvoirs publics là, nationaux, en tout bien cas, sûr. Les acteurs de santé sur cette question-là. Peut-être des hotlines avec des psychologues, en tout cas pour les enfants qui le vivent, c'est très bien. Qui le vivent moins bien. Beaucoup de gens l'attendaient, notamment les Fleurissois et Fleurissoises, l'ouverture de la passerelle, une rentrée un petit peu particulière. Alors, j'étais avec la directrice il y a 15 jours au téléphone, qui nous a expliqué un petit peu cette réouverture qui était un peu compliquée entre guillemets. Pour vous, il fallait la réouvrir, la passerelle, il fallait que le monde du spectacle soit là. Oui, moi j'ai tenu à faire l'ouverture de la saison culturelle et à dire quelques mots à l'adresse et du public et des artistes et des équipes, parce que on a ce virus qui vient nous empoisonner, qui a créé des drames humains. On connaît le nombre de décès, on sait que là le virus circule à nouveau, même si et on espère que ça va durer. Il tue beaucoup moins puisque les patients sont mieux pris en charge. Il y a moins d'hospitalisations. Il y a moins d'hospitalisations. Ouais, voilà. On a les traitements qui sont améliorés. C'est aussi les populations moins vulnérables qui, pour l'instant, sont touchées. On arrive à protéger les populations vulnérables et elles se protègent mieux. Mais ça risque de s'inscrire un peu dans le temps. Je pense qu'il faut qu'on prenne toutes les précautions, mais il ne faut pas non plus que la vie s'arrête. Donc, quand on est capable de faire les choses de manière sécurisée, il faut les faire. Et là, en l'occurrence, c'était possible. Alors, il y avait un flux d'entrée, un flux de sortie. Bien sûr. Ouais. On ne se croisait pas. Un siège sur deux, je crois, m'expliquer. Siège sur deux. Alors, quand les gens viennent en famille, on les laisse en famille. Bien sûr. On va pas les... mais groupe par groupe, ils ont fait un travail formidable pour que ce soit... C'est du boulot quand même pour le staff. C'est vraiment du boulot. Moi, je les remercie vraiment. Ouais. Mais c'est vraiment essentiel parce que, vous savez, la culture, c'est pas juste une... Mais c'est comme la radio. Alors, c'est pas, mais vous savez qu'on a été fermés, nous. Mais oui. On a été fermés pendant un petit moment. C'est pas juste une cerise sur le gâteau. C'est pas un petit plaisir en plus. C'est ce qui fait que, on prend du plaisir dans la vie. C'est ce qui fait qu'on se dépasse. C'est ce qui fait que on va entendre un animateur nous raconter des choses intéressantes ou drôles. Ou des conneries. Ce qui fait que ça va nous interpeller, que ça va nous faire réfléchir, ça va nous aider à porter un regard sur le monde. Ça nous fait grandir. Ça nous rend créatifs. Ça nous rend. Et c'est ça la vie. On ne vit pas juste pour travailler, dormir, manger. C'est ça. C'est pas le métro, boulot, dodo, comme on dit à Paris, par exemple. Il faut inventer et prendre du plaisir pour pouvoir penser la vie et l'occuper pleinement. Et la culture, c'est essentiel. Il fallait que ça reprenne parce que si en plus on ne fait pas reprendre ça, c'est des troupes, c'est des compagnies, c'est des institutions qui vont mourir et qui vont disparaître. Exactement. Et ça ne peut pas disparaître. Et chacun à notre place. Et je tenais à ce que Fleury y soit à sa place. On doit contribuer à ce que ça continue à vivre. Alors à l'inverse de la passerelle, il y a eu des événements qui ont été annulés. On a eu le forum des associations, le nounou dating. On a eu la course fleurissoise qui va être annulée. Il fallait le faire. On aurait pu peut-être prendre sur la course, on aurait pu faire des choses sur le forum aussi. Pourquoi on n'aurait pas pris des mesures avec des distanciations, avec des masques, là avec peut-être un stand sur deux, je sais pas. Peut-être une petite hésitation, j'allais dire. C'est sur le nounou dating, mais il faut qu'on trouve d'autres solutions pour que les parents puissent être en contact avec les assistantes maternelles. Sur la course fleurissoise, en fait, sur la fleurissoise, on avait été prévenu de l'afflux vraiment très important pouvait avoir important. De coureurs, parce que nombre de courses étaient annulées. Et donc, on avait très, très peur qu'il y ait trop de monde. Alors, au début... Dur à gérer, peut-être. Oui, enfin, en tout cas, ça devenait plus tout à fait raisonnable de le faire. Moi, au début, j'avais dit tant qu'on peut, on maintient. Et puis, quand on voyait l'ampleur que ça risquait de prendre, bon, la mort dans l'âme, il a fallu annuler. Et alors, pourtant, on avait regardé. Enfin, les organisateurs avaient regardé. J'avais suivi ça de près. Il fallait le masque avant de partir, le masque pour arriver. C'est pas facile pour courir. Et puis pour courir, pour reprendre son souffle, c'est ce que disait un cardiologue, je crois, il y a pas longtemps, parce que c'est compliqué de reprendre son souffle avec le masque. Oui. L'oxygène ne circule pas pareil. Et puis après, il y a les questions d'arrivée. Il faut pas que les gens soient trop près l'un de l'autre. Alors si à l'arrivée d'une course, excuse-moi, je suis premier dedans, voilà. Je suis le deuxième. Toi, tu attends parce qu'il faut que l'autre passe. Voilà, bon, ça devenait compliqué. Sur le forum des associations, c'est pareil. Moi, j'ai échangé avec la préfecture sur ce sujet-là, et il faisait valoir. Et de toute façon, c'était interdit par la préfecture, donc le sujet était clos. Ça a été vite réglé. Mais ce qu'il redoutait, c'était des grappes. De gens qui viennent en masse au niveau des tables. Alors c'est un peu dommage pour les associations, parce qu'on savait que les associations, c'est un peu compliqué, de plus en plus même, au niveau budget, etc., pour se faire connaître. Alors après il y a le Covid qui est là, mais si on supprime des forums où ça peut les aider, leur donner un petit coup de pouce, c'est vrai que c'est un petit peu dommage aujourd'hui. On va trouver des solutions. Comment être à leur côté. L'idée, c'est vraiment pas de les laisser tomber, bien sûr. L'exigence, elle est de mettre le curseur au bon endroit pour que la vie ne s'arrête pas et en même temps de pas prendre des risques inconsidérés. Ah, j'ai sélectionné une question d'un fleurissois qui est Benoît qui tient un site de radio. Alors, il nous pose comme question, quelles sont les priorités dans les travaux de voirie, exemple rue Jean Jaurès, en mauvais état ? Par exemple, la première question. Alors, je vais donner d'abord un élément de réponse que les gens n'ont pas forcément en tête. Ouais. Enfin, deux éléments de réponse. Nous avons à Fleury environ 80 km de voirie, ce qui est quand même important. C'est pas un obstacle, parce que vous savez que il y a les communes et il y a aussi les métropoles. Métropole. Alors moi, je dis pas c'est pas nous, c'est la métropole, puisque la métropole, ce sont les communes. Bien sûr. Mais c'est une compétence de la métropole, donc des élus, y compris Fleury. Donc on attend la métropole alors. Et Non, parce que c'est à nous de pousser à la métropole. Mais le système est que quand la compétence a été transférée à la métropole, on a dit bon ben maintenant la métropole s'occupe des voiries et on leur transfère notre budget. Mmh. Et l'enveloppe de travaux dont nous disposons à la métropole, c'est le budget qui a été transféré, soit 500 000 euros. Donc c'est quoi, c'est un problème de budget là aujourd'hui ? Alors je vous dis si on est sur le volume budgétaire actuel, enfin des années passées. Mmh. Pour refaire la voirie à Fleury, si on veut refaire toutes les voiries, il faut 32 ans. Ah oui, Et inutile de vous dire que quand on aura refait une voie, enfin au bout de 32 ans, les voiries qu'on aura refait la première année, il faudra les refaire. Donc il s'agit vraiment de fixer des priorités. Et puis ouais. D'autre part, de travailler pour que le volume budgétaire soit, l'enveloppe budgétaire soit plus importante que celle-là. Mmh. Voilà. Alors justement, on parle de priorité. Peut-être que le quartier des aides et Bagné en fait partie, c'est ce qu'on demande. Comment voyez-vous justement le quartier des aides et Bagné l'avenir aujourd'hui, qui est un peu, entre parenthèses, délaissé. Oublié. C'est oublié ou délaissé, je sais pas. Ouais. Je connais pas le terme. C'est ce que me demande Benoît, ouais, qui habite, je crois, Faubourg Bagné ou aux aides. Ouais. Mais il a raison parce que c'est pourtant un quartier où, autour duquel il y a... Alors déjà, la poste, elle est partie. Je crois qu'il y avait la poste. Exactement. Hein, donc là, exactement. Ça fait quand même vivre le quartier, il faut être honnête. Et la question des services publics, c'est extrêmement, extrêmement important pour faire vivre un quartier. C'est un quartier qui non seulement est oublié, parce qu'il est en plus de l'autre côté de la Nationale 20, et en plus, il est à la jonction entre Orléans et Fleury, donc il y a un côté de la rue, l'autre côté de la rue, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille avec Orléans. On a vu, il y a des endroits, il y a un côté de la rue qui a été refait et puis pas l'autre. Bon, ces choses-là, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ça aussi avec Dessau et qu'on n'oublie pas les habitants de actuels, ouais. Historiques, quand on pense la zone Dessau. Des commémorations importantes qui vont se faire sur le quartier des aides, et c'est pas pour rien qu'on va le faire prochainement. Voilà, ouais, j'ai reçu une réponse de Benoît qui me dit Madame la maire a l'air bien, bravo. Ah, c'est le message à la réponse. Eh bien, je le salue. Ben voilà, donc c'est à Florissois. Nadine qui me... Mais je salue tous les autres. Je l'ai choisi parmi plein de questions. Nadine qui nous pose aussi une question. Est-ce que le parc expo, c'est pas une mauvaise idée? Alors après, je sais pas. Le chapiteau, pardon. Ouais, elle appelle ça le parc expo parce qu'à mon avis, c'est par rapport à la source ou où il était situé à l'époque. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée par rapport aux voies de circulation, par rapport à la sécurité? Parce que moi, j'y suis passé quand il était en action, avant le Covid. Et c'est vrai que j'ai vu des choses un peu folles, hein, des enfants qui traversaient les routes, des voitures qui arrivaient. Ça me faisait un peu peur entre guillemets. C'est un sujet que j'ai évoqué. On a eu récemment ce qu'on appelle une conférence des maires, c'est-à-dire une réunion de tous les maires de la métropole et qui font partie de la métropole et où on évoquait un peu nos priorités. Moi, je pense que on aurait pu penser les choses autrement. Différemment. En plus, on sait comment c'est ça s'est passé. Par rapport au lieu, vous pensez. Non, mais c'est sûr. Déjà, à l'origine de ce projet, ce qui s'est passé, c'est que on a déménagé le parc des expos. Ouais. Pas facile. En gros, ici, parce que là-bas, au sud, on construisait Comet. Bah, il fallait partir. Un projet qui, à mon avis, est un peu démesuré, mais enfin, maintenant, le coup est parti. Je pense aussi, mais bon, après, ça, c'est mon avis perso. Hein. Je salue des amis qui travaillent là-haut, Fred Lepol, d'ailleurs, que je salue au passage. Et donc, nous, on a chapiteau. Alors, ça peut amener des animations, mais ça amène des flux de circulation extrêmement importants. Moi, ça me pose un autre problème, c'est la très forte mobilisation de nos forces de police municipale. Mmh. Quand il y a des opérations, enfin quand il y a des expos, il y aura la fête foraine, j'espère bientôt. Ouais. Quand il se passe des choses à Chapiteau, nos forces de police sont très mobilisées. Moi, je pense que c'est un équipement métropolitain et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Fleury qui assure la sécurité et dont les forces de police soient absorbées par ce site. Donc c'est si on est sur un projet métropolitain, il faut qu'il y ait toutes les communes qui soient au rendez-vous et notamment Orléans, que la police nationale remplisse son rôle, et on ne peut pas avoir les inconvénients sans pouvoir porter notre voix. Donc moi, je vais avoir des exigences. À la base, c'est un bel endroit, on est bien. Moi, j'y ai été plusieurs fois. Moi, je pense que c'est l'accessibilité. Elle est toute petite, l'accessibilité vraiment petite. Il faut passer par... Il faut revoir la circulation. Ouais. Après, on va revoir ça. Madame le maire, pour terminer cette interview, un dernier mot. Je vous laisse la parole pour les Fleurissois, Fleurissoises, alors. Vous ne m'aviez pas prévenu. Un petit mot, ce que vous avez envie de leur dire, ça va certainement leur faire plaisir. Ce ce que j'ai envie de leur dire, c'est que déjà, je suis extrêmement fière d'être non seulement la maire. Alors vous m'avez dit bonjour Madame le maire. Alors on m'a dit le ou là. Eh bien moi. Est-ce que c'est là. Une erreur? Alors oui, je vais vous expliquer pourquoi. Ah d'accord. Parce bah ouais, vous me corrigez bien si parce que j'ai posé la question plusieurs fois à des maires et on m'a dit non, on dit le ou là. Ça dépend qui. Moi je suis assez attachée à ça en plus parce que si on dit Madame le maire, on présuppose, on sous-entend que normalement c'est un homme. Parce que moi, en plus, je m'appelle Franck Lemaire. Alors imaginez-vous, on va croire que vous êtes ma femme, ça se trouve. Et voilà, si c'est une femme, c'est Madame la Maire. C'est pas une femme qui occupe le... Donc, qui occupe le poste. Eh ben je le saurai maintenant, Madame la Maire, je vous appellerai. Donc moi, je me fais appeler Madame la Maire. Je suis extrêmement fière d'être la maire de la ville de Fleury, les Aubrais, et d'être la maire de tous les Fleurissois et de toutes les Fleurissoises. Je suis extrêmement fière aussi d'animer une équipe avec des adjoints et des conseillers municipaux et des conseillères municipales qui sont à leur service pour développer des politiques que nous avons avancées durant notre campagne. Donc moi, je suis là pour mettre en œuvre le programme que nous avons avancé, qui est maintenant un programme de mandature, en étant évidemment à leur écoute. Parce qu'on ne fait pas les choses sans les écouter. Mais c'est notre programme qu'on va développer, en y associant d'ailleurs l'opposition si elle souhaite travailler avec nous. Mais ce programme, je le redis, les axes, c'est une ville plus sûre, plus juste, enfin écologique et plus dynamique. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va le faire avec eux et on est là pour eux. Et ben voilà, sur ces belles paroles, on va se quitter Madame la Maire, si je me trompe pas. Merci Carole Canet d'avoir participé à notre accueil Vibration. Non, c'était à l'époque, ça. Maintenant, c'est Arc-en-Ciel. Mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour la première fois sur la radio Arc-en-Ciel. Mais c'est un grand plaisir. Alors je disais Vibration parce que je suis un ancien animateur de Vibration, c'est pour ça. Mais nous, ça nous dérange pas de citer d'autres radios. On n'a pas de concurrents, nous, ici. Vous avez raison. Voilà. Merci Madame la Maire. Merci. À très bientôt. Merci. 17h23 sur Arc-en-Ciel en direct. Ne quittez pas, c'est Bicicleta qui arrive avec Carlos Vives et Shakira. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.